Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la journaliste et militante noire, Ida B. Wells. En tant que femme noire, se rendre dans des communautés qui avaient lynché des hommes et poser des questions, puis après ça, les critiquer dans un journal, il fallait avoir un courage incroyable parce qu'elle mettait sa vie en danger. Oui. Et d'ailleurs, elle a éventuellement dû fuir Memphis. Son journal Free Press a été détruit. La journaliste Noémie Mercier, au micro de Marie-Louise Arsenault à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » en juin 2020, peu de temps après qu'on ait remis à Ida B. Wells un prix Pulitzer à titre posthume. Ce prix lui a été remis d'ailleurs en reconnaissance de son courage, justement, de la qualité également des enquêtes journalistiques qu'elle a menées et qui l'ont conduite à dénoncer la violence subie par les Noirs dans le sud des États-Unis à l'époque où la pratique du lynchage faisait rage. So I'm Michelle Duster. I am standing in front of my great-grandmother, Ida B. Wells' home. Je m'appelle Michelle Duster. Je me tiens ici devant la maison de mon arrière-grand-mère, Ida B. Wells. Je suis très heureuse d'être ici pour souligner la décision de la ville de Chicago de rebaptiser cette promenade du Congrès la route Ida B. Wells. Elle a énormément contribué à ce pays. Elle a exposé la réalité du lynchage. Elle s'est battue contre la ségrégation dans les espaces publics. Elle a lutté pour l'accès au logement pour tous et pour le droit de vote des femmes. Elle a été engagée dans plusieurs causes concernant l'égalité et la justice envers les femmes et les minorités en particulier. Tous les citoyens de ce pays devraient la connaître. Pour nous parler du parcours assez exceptionnel d'Ida B. Wells, de l'héritage important qu'elle nous laisse également, je reçois la journaliste Sarah R. Champagne, qui revient d'un séjour de 2 ans en Caroline du Nord, où elle s'est notamment intéressée à l'histoire du mouvement des droits civiques. Sarah Champagne, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, Ida B. Wells, ça a été une femme aux multiples facettes. Elle a été à la fois pionnière du journalisme d'enquête aux États-Unis, pionnière du combat des Noirs, de la reconnaissance de leurs droits, féministe aussi. Elle va être du combat, entre autres, pour le droit de vote des femmes. Comment résumer, en quelques mots, l'importance qu'elle a eue? Oui, résumer en quelques mots, c'est un tour de force. En fait, elle a consacré toute sa vie, plusieurs décennies, parce que comme on va l'entendre, elle a commencé à travailler très jeune à la cause des Afro-Américains. Moi, je dirais que c'est une Rosa Parks avant son temps. C'est une femme qui a vraiment pas froid aux yeux, qui utilise des techniques de reportage, mais aussi des techniques de contestation de l'ordre social raciste qui vont faire école plus tard, qui sont repris encore aujourd'hui. C'est la première à raconter, recenser systématiquement les cas de lynchage. Et par le fait même, elle offre vraiment une vision unique, une vision globale, une vision d'horreur que les meurtres d'Afro-Américains ne sont pas des phénomènes isolés. Donc, c'est une femme afro-américaine à l'intelligence, au courage hors du commun, qui est encore plus d'actualité un siècle et demi après sa naissance. Et qui nous a laissé un travail, un héritage, justement, qui nous a permis de documenter une réalité. Et d'ailleurs, on y reviendra, Sarah Champagne, mais ce travail-là se poursuit encore là, dans certaines universités des États-Unis. Et le point de départ du travail que font actuellement certains chercheurs, c'est les propres recherches et la propre documentation d'Ida B. Wells. Commençons par le commencement. Pour voir un peu d'où elle vient, comment elle va s'engager dans ce militantisme qui va marquer sa vie. Racontez-nous un peu son parcours, parlez-nous des origines d'Ida B. Wells, parce que ça en soi, c'est déjà intéressant et ça nous en dit beaucoup sur le contexte bien particulier du sud des États-Unis au moment où elle naît. Ida B. Wells naît esclave le 16 juillet 1862 à Holly Springs au Mississippi. Donc, c'est quelques mois seulement avant qu'Abraham Lincoln promulgue l'acte d'émancipation qui change le statut de millions d'Afro-Américains qui ont été réduits en esclavage depuis les débuts de la colonie. Mais attention, le statut des esclaves ne change pas immédiatement, donc en 1862, parce que il faut que la loi fédérale, en fait, se rende jusqu'au Sud, qui est à l'époque en guerre contre le Nord. Et donc, ce n'est qu'après la victoire de l'armée des États du Nord, l'armée de l'Union, que les Noirs, et incluant Ida B. Wells, deviennent vraiment libres. Et la famille d'Ida B. Wells vit au Mississippi et attend jusqu'en 1865 d'être libérée. Oui. Dès qu'ils sont libres, le père de Wells devient une personne assez importante dans la communauté qui est engagée en politique. Il devient administrateur d'un collège, donc un collège historiquement noir, où étudie d'ailleurs la jeune Ida B. Wells. Et la mère de Wells aussi acquiert sa propre renommée là, comme une cuisinière très connue dans cette région. Et tout ça pour dire que les Wells sont, oui, des anciens esclaves, mais cependant, ils savent lire et écrire. Et ben, malheureusement, en 1878, il y a une grande épidémie de fièvre jaune qui frappe les deux parents, qui meurent tous les deux à 24 heures d'intervalle. Et la jeune Wells refuse à ce moment-là que sa fratrie soit séparée, que ses frères et sœurs, comme certains membres de la famille l'ont suggéré, soient envoyés vivre ailleurs, dans différentes localités. Et donc, c'est une petite anecdote pour dire comment on l'imagine, qui est déjà très énergique, très résolue. Et a déjà à l'époque, à 16 ans, elle décide de devenir institutrice dans une école secondaire de Holly Springs. Et elle devient, c'est carrément le soutien de famille, là. C'est elle qui fait vivre ses frères et sœurs, ce qui va l'amener à voyager. Il y a un événement qui se produit en septembre 1883, vraiment, où ça se passe dans un train et où la vie d'Ida B. Wells va vraiment, en quelque sorte, basculer. One day, while riding back to my school, I took a seat. Un jour, au retour de l'école, je me suis assise dans le train dans la section des dames, comme d'habitude. Lorsque le train s'est mis en marche et que le contrôleur est venu récupérer les billets, il m'a vite remis le mien en disant que je devais aller m'asseoir dans l'autre wagon. And told me I would have to go in the other car. I refused. J'ai refusé en disant que la voiture avant était une section fumeur et que j'étais ici dans le wagon des dames. J'ai proposé de rester où j'étais. Il a essayé de me tirer hors de mon siège, mais au moment où il a attrapé mon bras, j'ai planté mes dents dans le dos de sa main. I fastened my teeth in the back of his hand. Ah, vous parliez, Sarah Champagne, il y a un instant, de Ida B. Wells comme d'une première Rosa Parks. On comprend bien pourquoi avec ce qu'on vient d'entendre. Mais revenons sur cet épisode qui se passe dans un train en septembre 1883, qui est très, très important pour l'histoire des Noirs aux États-Unis, mais pour l'histoire d'Ida B. Wells elle-même. Racontez-nous peut-être un peu plus en détail ce qui se passe et quelle importance ça va avoir, cet épisode du train. Oui, tout à fait. C'est un épisode très marquant. Donc, vous avez dit en 1883, donc elle est déjà déménagée chez sa tante à Memphis, au Tennessee, et continue à enseigner localement. Et c'est pour ça qu'elle prend le train, donc entre Memphis et Woodstock, en périphérie de la petite ville, pour aller enseigner. Et la ségrégation est déjà à l'époque très rigide dans le sud américain, y compris dans les transports publics. Et en septembre 1883, quand elle est assise dans le wagon des femmes, qu'elle a payé son billet pour cette classe de wagon, comme on l'entendait dans l'extrait, le conducteur lui ordonne de changer de place et d'aller s'asseoir dans un autre wagon qu'elle décrit comme un wagon fumeur. Et donc, elle refuse de changer de wagon. Le conducteur appelle des renforts et essaie de la traîner de force, la jeune femme, hors du wagon. Et elle le mord. Elle le mord à la main. Et c'est elle qui l'écrit dans son autobiographie, vraiment comme un acte de désobéissance. Et donc, cet incident du train a bel et bien lieu en 1883. Là, il y a plusieurs contradictions dans plusieurs sources différentes. Mais quand on regarde la poursuite qu'elle a déposée contre la compagnie ferroviaire, on se rend compte que l'incident est en 1883. Et la poursuite est en 84. D'où la confusion, parce qu'on voit les deux dates, 1883-1884, oui. En effet, il a vraiment fallu que j'aille retrouver la poursuite originale. Ouais. Et comme je disais, la jeune femme a seulement 22 ans et dépose cette poursuite-là contre une compagnie ferroviaire. Elle gagne, elle obtient 500 $ en dommages dans une cour de première instance du Tennessee. Parce qu'en 1884, il n'y a pas de doctrine fédérale, il n'y a pas d'uniformité, en fait, dans la ségrégation qu'on verra plus tard. C'est avant la fameuse doctrine du « séparer mais égaux », donc avant que la Cour suprême américaine se prononce dans Plessis contre Ferguson, là, qui va permettre la ségrégation dans les lieux publics jusque dans les années 1960. Oui. Ce qui explique qu'en 1984, Ida B. Wells gagne sa cause contre la compagnie ferroviaire. Mais cette victoire va être renversée plus tard par la Cour suprême du Tennessee. Ce voyage en train, ça change littéralement sa vie. De quelle manière? Oui, bien, comme vous le dites, en 87, le jugement est renversé par la Cour suprême du Tennessee, mais entre-temps, toute sa frustration d'avoir été déplacée l'a propulsée vers l'écriture. Elle a pris un nom de plume, Iola. Attire donc une certaine notoriété de cet incident du train en écrivant sur ce qui lui est arrivé dans plusieurs journaux noirs du Grand Sud américain, dans plusieurs États. Et on rapporte même qu'à l'époque, les collègues se mettent à la surnommer la princesse de la presse, parce que c'est très rare de voir une femme et une afro-américaine de surcroît avoir une parole aussi libre. Ouais. Et donc, elle s'implique dans plusieurs journaux, elle devient secrétaire de l'Association nationale de la presse. Il y a tout un réseau à l'époque de journaux dirigés par des afro-américains. Et en étant enseignante dans l'école tout près de Memphis, elle épargne l'argent qui lui permet d'acheter des parts dans un petit journal noir appelé le Free Speech and Headlight à Memphis, pour lequel elle écrit déjà et devient l'éditrice. Et elle écrit sur tous les sujets, mais on la connaît surtout parce qu'elle n'a pas peur de critiquer l'état des infrastructures scolaires pour les Noirs, questionner la légalité de la ségrégation, comme elle le fait même formellement elle-même en cours. Oui. Et c'est d'ailleurs le genre d'article qui lui coûte finalement son poste d'enseignante un peu plus tard, en 1891, mais elle ne fait que se concentrer davantage sur ses articles. Et c'est dans cette position qu'elle commence à s'intéresser au lynchage. Oui. Et puis, il y aura donc un autre événement très, très important dans sa vie. Mars 1892, un de ses amis va être touché par un événement dramatique. Puis ce sera pour elle le début, au fond, d'une obsession qui va suivre sur la pratique des lynchages. Qu'est-ce qui se passe donc en mars 1892, Sarah Champagne? Oui, en 1892, ça fait déjà quelques années que la famille Wells s'est rapprochée des notables, si on veut, de la localité, notamment du propriétaire de l'épicerie du peuple, donc en anglais la People's Grocery, qui s'appelle Thomas Moss. Et Ida est très proche de lui, elle devient même la marraine de son premier enfant. Et par contre, la petite épicerie de Moss est en compétition directe avec une épicerie blanche qui est juste de l'autre côté de la rue. Et donc, il y a plusieurs épisodes, mais en 1892, le climat social s'est dégradé et Moss est tué par la foule avec deux autres de ses amis devant son épicerie. Ils ont été accusés d'avoir tué un shérif, ce qui aurait été le prétexte pour le lynchage, mais pour Ida B. Wells, son amie, ce n'est pas vrai, il n'en est rien. Et quand elle va écrire plus tard sur ce lynchage, elle admet en quelque sorte qu'elle a toujours pensé dans un petit raccoin de sa tête que les victimes de lynchage avaient fait quelque chose de mal. Même si c'était peut-être pas exactement de ce mal qu'on les accusait, elle croyait quand même qu'il y avait des raisons derrière. Oui. Mais quand la communauté blanche de Memphis s'attaque à son propre ami, elle est vraiment sous le choc et ça l'électrise aussi. Elle n'a plus que la vérité toute crue en face. Elle dit qu'il y a quelque chose de fondamentalement illégitime et illégal dans ces lynchages. Et ça devient une convertie. Ça devient une convertie à la cause et elle écrit de plus belle avec cette ferveur qu'on connaît aux convertis. Ouais. Mais c'est aussi cette ferveur qui vont bientôt la forcer à l'exil. Alors qu'elle a publié plusieurs articles relatant les injustices, elle part en voyage à Philadelphie dans toujours ses réseaux de mouvements afro-américains. Et ses ennemis détruisent son journal pendant qu'il est parti. Il brise sa presse et lui, la menace, lui dit de ne plus revenir à Memphis. Et elle ne reviendra plus jamais. Elle vivra brièvement à New York, puis ensuite à Chicago. Ouais. Et c'est de New York, de fait, qu'elle va jeter vraiment un plus important pavé dans la mare encore, parce qu'effectivement, ses premiers articles, à la suite du lynchage de son ami Thomas Moss, avaient fait pas mal réagir la communauté blanche du coin. Mais quand elle est à New York, elle publie un article, un éditorial, en fait, puis il y aura ensuite toute une série d'articles sur le même thème, le thème du lynchage, mais qui va vraiment faire grand bruit, qui va devenir célèbre, cet éditorial. On écoute à nouveau la journaliste Noémie Mercier au micro de Marie-Louise Arsenault en juin 2020 parler justement de cet éditorial déterminant d'Ida B. Wells. Elle le publie en 1892, au printemps 1892, et elle parle de cette pratique barbare du lynchage. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Elle raconte comment la justification du lynchage, c'est-à-dire qu'on présentait, on prétendait que des hommes noirs avaient violé des femmes blanches, et là, quand ces gens-là étaient jetés en prison ou même avant que toute accusation ait été portée, des foules allaient les chercher, les extirper de chez eux, les brûlaient vifs, les démembraient, les criblaient de balles, ensuite gardaient... Je m'excuse, là, mais c'est ça, c'est la réalité. Ensuite, gardaient certaines de leurs parties de leur corps ou des os en souvenir, c'était vendu... Comme des trophées. Comme des espèces de trophées. Oui. Bref, donc elle documente ça et elle montre que le lynchage, cette prétention que c'était une rétribution pour des crimes des Noirs, que non, c'était en fait une façon de remettre les Noirs à leur place à une époque où ils gagnaient en pouvoir économique. Ben oui, on est au début du 20e siècle. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est à la fin 19e, donc on est tout de suite après la guerre de sécession, au moment où on a voulu accorder certains droits politiques et économiques. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain. Sur la chanson Strange Fruit, interprétée par Billie Holiday, une chanson qui parle justement du lynchage des Noirs dans le sud des États-Unis, vous entendiez la journaliste Noémie Mercier à l'émission Plus on est de fous, plus on lit en juin 2020. Quelle importance Sarah Champagne a cet éditorial d'Ida B. Wells dans les pages d'un journal new-yorkais en 1892 et de fait toute la série d'articles qui va suivre et qui dénonce les pratiques de lynchage des Noirs? Bien, vous entendiez ma collègue en discuter, elle disait, en fait, Ida B. Wells s'est mise à écrire sur ce stéréotype type de l'homme noir qui violerait des femmes blanches. Et c'est à ce moment-là que la communauté blanche considère qu'elle dépasse les limites, parce que c'est un leitmotiv, l'afro-américain qui aurait dépassé les bornes avec des femmes. C'est un leitmotiv qui revient souvent, qui sert à les accuser de crimes qu'ils n'ont pas commis. Ida B. Wells écrit noir sur blanc que c'est un mensonge et qu'en fait, les femmes du Sud américain pourraient être attirées sexuellement par les Afro-Américains, mais c'est beaucoup pour les mentalités de l'époque et c'est là que sa vie est menacée. Et on répond... En fait, elle transgresse un tabou. Pour ces Blancs du Sud, ce qu'elle dit, c'est de la dynamite, là. C'est inacceptable. Exactement, oui. Non seulement c'est de la dynamite, mais ça l'amène à dire... En fait, peu importe ce qui arrivera ici, il n'y a personne qui va protéger votre vie ou votre propriété. Ils vont vous sortir de votre maison, ils vont vous tuer de sang-froid. Partez. Partez au Kansas, en Oklahoma, qui sont encore en peuplement. Boycottez les commerces blancs. Et son éditorial en particulier, on lui répond en disant « Vous êtes une vaurienne et que vous puissiez... vive, que vous puissiez répandre d'aussi d'abominables calomnies. C'est une preuve, en fait, que les Blancs sont très patients ici, dans le sud des Américains. » Donc, on voit que le ton est très... le ton a monté. Et en 1892, elle part. Et tout ce travail qu'elle va faire, donc, sur le lynchage, sur ses pratiques de lynchage dans le Sud, dont elle parle dans ses articles, puis on va y revenir, Sarah Champagne, elle va en parler davantage, elle va creuser ce filon-là davantage quelques années plus tard en publiant deux livres. Mais quand même, faisons une petite parenthèse pour parler d'un événement qui aussi sera important dans la vie d'Ida B. Wells. C'est la tenue à Chicago de l'Exposition universelle de 1893. De quelle façon c'est important pour elle? Oui, Ida B. Wells a quitté Memphis, donc en 1893, elle était brièvement à New York, puis elle s'était établie à Chicago où elle va se marier éventuellement. Mais à Chicago, elle unit ses forces en quelque sorte avec Frederick Douglass, qui est un autre abolitionniste célèbre, un activiste du mouvement des droits des Afro-Américains, qui était très impressionné par son travail. Et ils ont correspondu par lettre et finalement, quand l'Exposition universelle de 1893 se présente, ils écrivent ensemble pour condamner l'absence de représentation des Noirs à cette exposition universelle. Ils publient un pamphlet qui demande de boycotter l'exposition à moins de faire une meilleure place au parcours des Noirs depuis leur arrivée en Amérique. Donc, ils utilisent l'histoire pour dire... Écoutez, nous faisons partie de ce pays, voici en quoi nous en faisons partie et nous devrions être dans l'exposition universelle de 1893. Et c'est là qu'elle décide aussi de s'installer à Chicago. Oui, et c'est de là qu'elle va vraiment approfondir, poursuivre ses recherches, son travail de documentation sur cette pratique du lynchage des Noirs dans le sud des États-Unis. Puis ça c'est vraiment son principal legs, Sarah Champagne. Oui, c'est son principal legs du point de vue intellectuel. En 1892, donc l'année que la mort de son ami de Thomas Moss la pousse encore à explorer ce thème davantage, elle publie un pamphlet qui va devenir son premier livre sous le titre « Southern Horrors », donc « Les horreurs du Sud ». Et entre 1892 et 1895, c'est vraiment son effort de documentation. Avec... comme livre qui compile cet effort-là, un livre que j'ai traduit par Registre Rouge qui s'appelle le Red Record, en fait. Mmh. Et elle a compilé des statistiques. Elle décide d'avoir une approche très systématique pour démonter les prétextes qui sont derrière les lynchages, pour montrer que ce sont des exécutions sommaires avec des excuses qui ne sont pas réelles. Et c'est ce qu'elle a de spécial parce que son approche est très systémique. Elle voyage à plusieurs endroits dans le sud américain, prend note de chaque cas, elle passe au peigne fin les journaux de l'époque et pour chaque personne morte, elle note aussi la raison invoquée. Et dans ces raisons invoquées-là, il y a le leitmotiv dont je vous parlais, l'accusation qu'un homme noir aurait violé une femme blanche. Et ce qu'elle démontre est qu'en fait, moins d'un tiers des cas de lynchage impliquent ce type d'allégation ou d'accusation, et que finalement, cette idée que les Afro-Américains seraient des violeurs est tout simplement un mythe qui sert à justifier la violence, sert à justifier que la communauté blanche veuille conserver ses privilèges et sa richesse. Oui. Et c'est important qu'elle fasse ça parce que ça ramène les pendules à l'heure. Et c'est d'autant important, puis vous l'avez un peu souligné un peu plus tôt, qu'elle-même, puis beaucoup de Noirs, surtout ceux qui s'en tiraient mieux, avaient, vous disiez, je pense, quelque part dans le fond de leur tête, cette idée qu'effectivement, quand il y avait lynchage de Noirs, même chez les Noirs, on se disait, il doit bien y avoir quelque chose, quelque part. Elle démonte cette mécanique-là complètement. Exactement. Démonter la mécanique, je pense que c'est la bonne expression. Et aussi, comme vous dites, c'est peut-être un effort de préservation de soi-même, d'avoir dans l'idée que, OK, je vais m'éloigner de la violence, je ne regarderai pas, en fait, qu'est-ce qui mène à la mort de mes compatriotes. Mais dans son Red Record, c'est une œuvre de recension, ouais. Carrément. Quand on le regarde, moi, c'est presque du journalisme de données ou c'est en tout cas du journalisme de terrain. Ouais. Et elle parle de chaque exemple avec beaucoup de détails. Je pense à un exemple qu'elle donnait d'un homme en Louisiane qui s'appelle Meredith Lewis, qui est arrêté en juillet 1994. Et un jury qui est entièrement blanc l'acquitte quand même des allégations de meurtre auxquelles il fait face. Mais trois jours après avoir été acquitté, il y a une foule qui s'amasse devant chez lui. Il l'extrait de sa maison pour le pendre, alors qu'il vient d'être déclaré innocent. Et Ida Wells, dans son livre, est forcée de conclure que le système judiciaire du pays est aux mains des personnes blanches et donc injuste pour les Noirs. Mon invitée aujourd'hui était la journaliste Sarah R. Champagne. Merci infiniment, Sarah. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande, à la technique aujourd'hui Jean Lemieux. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.